d'un vanneur de blé au vent. À vous, troupe légère, qui d'ailes passagères par le monde volée, et d'un sifflant murmure, l'ombrageuse verdure doucement ébranlée, j'offre ces violettes, ces lys et ces fleurettes, et ces roses ici, ces vermillettes roses, tout fraîchement écloses, et ces œillets aussi. De votre douce haleine, éventez cette plaine, éventez ce séjour. Cependant que je hâne, à mon blé que je vanne, à la chaleur du jour.